Lay du Lovestick de Marie de France. Enregistré pour LibriVox.org. Je vous rapporterai une autre aventure dont les Bretons ont fait un lay. Ils le nomment dans leur langue Lovestick. Les François, par cette raison, l'appellent Rossignol et les Anglois Nightingale. À Saint-Malo, ville renommée dans la Bretagne, résidoient deux chevaliers fort riches et très estimés. La bonté de leur caractère étoit tellement connue que le nom de la ville où ils demeuroient étoit devenu célèbre. L'un d'eux avoit épousé une jeune femme, sage, aimable et spirituelle. Elle aimoit seulement la parure, et par le goût qu'elle apportoit dans ses ajustements, elle donnoit le ton à toutes les dames de son rang. L'autre étoit un bachelier, fort estimé de ses confrères. Il se distingua particulièrement par sa prouesse, sa courtoisie et sa grande valeur. Il vivoit très honorablement, recevoit bien et faisoit beaucoup de cadeaux. Le bachelier devint éperdument amoureux de la femme du chevalier. À force de prières et de supplications, et surtout à cause des louanges qu'elle en entendoit faire, peut-être aussi à cause de la proximité de leur demeure, la dame partagea bientôt les feux dont brûloit son amant. Par la retenue qu'ils apportèrent dans leur liaison, personne ne s'aperçut de leur intelligence. Cela étoit d'autant plus aisé aux deux personnages que leurs habitations se touchoient, et qu'elles n'étoient séparées que par un haut mur noirci de vétusté. De la fenêtre de sa chambre à coucher, la dame pouvoit s'entretenir avec son ami. Ils avoient même la facilité de se jeter l'un à l'autre ce qu'ils vouloient. La seule chose qui leur manquoit étoit de ne pouvoir pas se trouver ensemble, car la dame étoit étroitement gardée. Quand le bachelier étoit à la ville, il trouva facilement le moyen d'entretenir sa belle, soit de jour, soit de nuit. Au surplus, ils ne pouvoient s'empêcher l'un et l'autre de venir à la croisée pour jouir seulement du plaisir de se voir. Il s'émoit depuis longtemps lorsque, pendant la saison charmante, où les bois et les prés se couvrent de verdure, où les arbres des vergers sont en fleurs, les oiseaux font entendre les chants les plus agréables et célèbrent leurs amours, les deux amants deviennent encore plus épris qu'ils ne l'étoient. La nuit, dès que la lune faisoit apercevoir ses rayons et que son mari se livroit au sommeil, la dame se relevoit sans bruit, s'enveloppoit de son manteau et venoit s'établir à la fenêtre pour parler à son ami qu'elle s'avouât y rencontrer. Ils passoient la nuit à parler ensemble, c'étoit le seul plaisir qu'ils pouvoient se procurer. La dame se levoit si souvent, ses absences étoient si prolongées, qu'à la fin le mari se fâcha contre sa femme et lui demanda plusieurs fois, avec colère, quel motif elle avoit pour en agir ainsi et où est la loi. « Seigneur, dit-elle, il n'est pas de plus grand plaisir pour moi que d'entendre chanter le rossignol. C'est pour cela que je me lève sans bruit la plupart des nuits. Je ne puis vous exprimer ce que je ressens du moment où il vient à se faire entendre. Dès lors, il m'est impossible de pouvoir fermer les yeux et de dormir. » En écoutant ce discours, le mari se met à rire de colère et de pitié. Il lui vient à l'idée de s'emparer de l'oiseau chanteur. Il ordonne, en conséquence, à ses valets de faire des engins, des filets, puis de les placer dans le verger. Il n'y eut aucun arbre qui ne fût enduit de glu ou qui ne cachât quelque piège. Aussi le rossignol fut-il bientôt pris. Les valets l'apportèrent tout vivant à leur maître, qui fut enchanté de l'avoir en sa possession. Il se rend de suite auprès de sa femme. « Où êtes-vous, madame ? Lui dit-il. « J'ai à vous parler. » « Eh bien, cet oiseau qui troubloie votre sommeil ne l'interrompra pas davantage. Vous pouvez maintenant dormir en paix, car je l'ai pris avec de la glu. » Je laisse à penser quel fut le courroux de la dame en apprenant cette nouvelle. Elle prit son mari de lui remettre le rossignol. Le chevalier, outré de jalousie, tue le pauvre oiseau, et chose très vilaine, il lui arrache la tête et jette son corps ensanglanté sur les genoux de sa femme, dont la robe fut tachée sur la poitrine. Aussitôt il sortit de l'appartement, la dame ramasse le corps du rossignol, elle verse des larmes et maudit de tout son cœur les misérables qui avoient fait les engins et les lacs. « Ah, malheureuse, quelle est mon infortune ? Je ne pourrai désormais me lever la nuit ni aller me mettre à la fenêtre où j'avois coutume de voir mon ami. Je n'en puis douter. Il va penser sans doute que je ne l'aime plus. Je ne sais à qui me confier et à qui demander conseil. Eh bien, je vais lui envoyer le rossignol et l'instruire de ce qui vient de se passer. » La dame enveloppe le corps du malheureux oiseau dans un grand morceau de taffetas brodé en or, sur lequel elle la voit représentée et décrit l'aventure. Elle appelle un de ses gens et l'envoie chez son ami. Le valet remplit sa mission, il se rend auprès du chevalier, le salue de la part de sa maîtresse, puis, en lui remettant le rossignol, il lui raconta l'histoire de sa mort. Le bachelier, qui est toi fort sensible, fut vivement affecté d'apprendre cette nouvelle. Il fit faire un petit vase, non pas de fer ou d'acier, mais d'or fin, et enrichi de pierres précieuses, et fermé par un couvercle. Il y enferma le corps de l'oiseau, puis ensuite il fit sceller le vase qu'il porta toujours sur lui. Cette aventure, qui ne pouvait longtemps rester ignorée, fut bientôt répandue dans tout le pays. Les Bretons en firent un lait auquel ils donnèrent le nom du Laoustique. Fin du poème. Enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.